Nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Nous approchons de ton trône de miséricorde. Le trône de gloire. Le trône de sainteté. Là où il y a tout. C'est le trône de providence divine. Amen. Rien ne manque là. Car toi, le grand roi et berger, tu règnes en maître souverain. Amen. Et rien ne manque à ceux qui te craignent. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Que cette foi soit celle de chacun de nous. Amen. Qu'une telle conviction anime chacun. Amen. Pour se débarrasser de toute inquiétude. Amen. De toute incertitude. Amen. De tout souci. Amen. De tout chagrin. Amen. Que nous le déposions au pied de ta croix. Savoir que Dieu sait tout. Amen. Il nous laisse passer par des épreuves. Non pas qu'il manque pouvoir d'intervenir. Ni de les empêcher. Non, mais il a les pouvoirs. Mais il veut édifier notre foi. Il veut former notre caractère. Il veut relever notre niveau spirituel. Amen. Il nous apprend à vaincre. À enfoncer nos racines. Amen. Un Dieu que nous Amen. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Amen. Il calcule avec précision. Amen. Quoi envoyer et quoi interdire. Il fait tout à merveille. Amen. Que ton Saint-Nom soit élevé, Seigneur. Amen. Amen. Il soit sanctifié dans nos cœurs. Amen. Et parle-nous maintenant ce soir. Amen. Et ta parole agit sur les dans le monde. Comme nous en sentons les effets déjà. Amen. Nous savons que tu es présent ici. Amen. Selon ta promesse, là où nous croissons assemblés à mon nom, je suis moi-même au milieu d'eux. Tu n'as pas délégué de pouvoir. Tu as promis d'être là toi-même. Ta parole s'accomplit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que les esprits soient délivrés. Amen. Que l'hypocrisie soit anéantie. Que les jalousies soient détruites. Que l'amour de Dieu triomphe dans nos cœurs. Pour les sangs de l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, le même hier, aujourd'hui, est très bon. Nous pouvons faire prière avec foi. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Ici, dans la sainte Bible. On a récupéré mon sang. En Jean, chapitre 4, toujours et encore là. Le verset 1. Mokanda et l'Ikosé Wana. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Balinga, bon ni mamili mon yon sauté, kasi, bon me kamili mon, soko mi outi nan zambé, poete basakolina lokuta. Mingi basili kobima kati na mokili. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés matin. Naebi misala na yo, na boale na yo, na piko na yo, mpe ete okoki kondima ba tomabete. Naebi mpe ete osili komeka ba oyo, bakolobaka ete bazali bantoma, nde bazali bongo te. Mpe ete ozwi bango bato na lokuta. Thessaloniciens chapitre 5. Quand elle est bossée à Thessalonique, il y a 20 à 22. Moulongo, il y a tout comme il parlait. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre la prédication de l'Évangile. Je prends ça, il était un malamon. Autour des nouveaux termes que nous avons annoncés et que vous avez accepté parce que personne ne l'a refusé. Personne ne m'a contacté pour dire pasteur face au sujet là. Ni en public, ni en privé. Et je considère que tout le monde accepte ça. Comment éprouver un ministère de la parole? Comment éprouver? Et déjà, en lisant attentivement notre prophète, particulièrement parmi les références qui avaient été données dimanche dernier, je pense que vous avez déjà une partie de la réponse. Ou une clé de la réponse. Elle se trouve notamment dans la prédication, le messager du temps de la fin que nous avons lu. Lorsque nous nous rappelions les uns les autres qu'il y a eu des faux prophètes parmi le peuple et il y aura de même des faux docteurs parmi vous. Et l'esprit nous a conduit à lire cette déclaration qui est dans le messager qui est en de la part. Donc je peux lire juste l'extrait en concerne. Relire la petite portion sur laquelle je fais allusion ici. Le messager du temps de la fin. Alors, dans le message de la fin, prêché le 16 janvier 1963. Voyez là, il avait dit ceci au paragraphe 94. Vous là, Dieu ne soutient que sa parole. Et il ajoute, le seul moyen de savoir si un prophète l'est réellement, c'est de lui faire subir l'épreuve de la parole. C'est ainsi que vous pourrez en juger. S'il y a un jugement à faire, et si nous voulons détecter la nature fausse ou vraie d'un prophète, et par-delà de tout ministère ou tout ministre, le seul moyen qui nous est révélé pour le faire, c'est de lui faire subir le test ou l'épreuve de la parole. De sorte que ce n'est pas toi l'individu qui va éprouver l'homme, mais c'est la parole par ton canal. Parce que tu es fidèle. Tu as été fidèlement et correctement enseigné. Mais raison à ce que Dieu dit. À soutenir tout ce que Dieu dit. Même si tu ne le savais pas avant. Et que c'est lui qui se donne pour prophète. C'est la porte à nouveauté. Tu as à toi la nature de la foi et la nature de Dieu pour reconnaître la vérité et pour la distinguer de la fausseté. Et c'est ce qui te permettra de savoir si l'esprit en présence est un vrai ou un faux. L'unique moyen c'est quoi? Faire subir l'épreuve de la parole ou le test de la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Dans les sermons, monsieur, est-ce le signe de la fin? Il s'est prêché le 30 décembre 1962. Paragraphe 68. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Roganam dit ceci. Un vrai prophète. Un vrai prophète de Dieu se référera toujours aux écritures. Toujours aux écritures. Toujours aux écritures. Un vrai prophète. De Dieu. Se référera toujours aux écritures. Par conséquent, il est indiscutable qu'il en soit ainsi. C'est indiscutable. Dans l'Ancien Testament, quand les prophètes déclaraient quelque chose, il y avait toujours quelque part un prophète avec la parole qui restait avec la parole, et il s'attend à Dieu pour les visions. Il s'attend à Dieu pour les visions. Et si sa vision était contraire à la parole, Alors elle était fausse. C'est le moyen que Dieu utilise pour apporter sa parole à son peuple. Donc il utilise les canaux des prophètes au moyen des visions pour apporter sa parole à son peuple. Mais le prophète en question doit d'abord être un vrai prophète. Car si c'est un faux prophète, il vous apportera des visions vaines. Il vous amènera aux choses de néant. Jusqu'à ce que vous ne deveniez vous-même que néant. Il fera de vous des nuls. Vous penserez que vous avancez dans les affaires de Dieu. Que vous apprenez à mieux servir Dieu. Mais c'est bon Dieu que vous prétendrez servir. Il le considérera comme des nuls, des n'ayants, des vauriens. Que vous n'êtes rien et vous n'avez rien et vous n'êtes nulle part. Quelle désillusion de penser avoir progressé, de penser avoir traité avec Dieu, d'espérer avoir marché avec Dieu, mais pourtant le véritable ne vous reconnaît pas. Donc, vous êtes allé placer votre confiance dans des gens que lui n'a pas établi ni reconnu. Qui vous amèneront à des choses de néant. Prenez cet avertissement au sérieux. Et imaginez combien d'âmes sont dans une telle détresse. Dans Jérémie chapitre 23, le verset 16, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Il vous engraine à des choses bénéantes. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Voilà ce genre de prophètes là. Ils vous entraînent à des choses bénéantes. Oh mes chers amis, n'écoutez pas ce genre de gens. Dieu a raison. N'allez pas donner votre précieuse confiance à des gens pareils. Parce qu'ils vous réduiront à rien. Et vous-même, peut-être que vous ne vous rendrez pas compte, vous deviendrez néant. Vous devenez néant. Imaginez que Dieu puisse penser cela de vous. Que vous êtes devenu néant. Pendant que vous pensez être quelque chose. Vous n'avez rien. Vous n'êtes pas bon. Il vous amène à la vanité. Des fois vous allez commencer à vous glorifier. Dieu nous a parlé. Il est parmi nous. Il fait des grandes choses. Mais vous n'avez pas la parole comme Dieu est là. Quand vous n'avez pas la parole de Dieu, Dieu n'y est pas. Faites la vantardise de tout ce que vous voulez. Sachez que Dieu ne sera pas dedans. Il ne viendra pas parce que vous avez dit que nous avons Dieu. Votre vantardise ne vous mène que vous-même à la perdition. Que le Seigneur Dieu vivant aide chacun de ses enfants. Oh mes chers amis, j'aimerais que vous compreniez ça. Dieu de notre le Dieu de notre message et de notre foi. Quand il décrit le ministère d'un prophète, entre autres, il nous montre que ceci à travers Frère Branham, dans la prédication, les choses qui doivent arriver. Prêché le 5 décembre 1965. Le paragraphe 28. La valeur d'un vrai prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui reflète Dieu. Il le fait de telle façon qu'il ne peut pas dire ses propres paroles. Un vrai prophète. Il le fait de telle façon qu'il ne peut pas dire ses propres paroles. Il faut que ce soit les paroles de Dieu qu'il prononce. Il est comme un réflecteur. Un réflecteur, c'est comme le miroir. Toi, l'homme, tu viens, tu tiens devant le miroir et le miroir reflète ton visage et ce que tu es. Et il est le porte-parole de Dieu. Il ne dit pas qu'il est la bouche de Dieu. Frère Branham ne dit pas qu'un prophète est la bouche de Dieu. Non. Il est un réflecteur. Il est le porte-parole de Dieu. Est-ce que vous sentez la différence? Quand nous devons entendre et répéter la parole, disons-la telle qu'elle est. Nous ne prenons pas nos impressions et nos illusions pour donner sans commencer la parole de Dieu. Dieu a sa propre bouche. Il est un être. Il a des yeux. Il a une bouche. Il a des mains. Il a une tête. Il a des cheveux. Il a des pieds. Il est un être complet. Tu dis amen. Amen. Ok. Un prophète, il est le porte-parole de Dieu. Voyez parce que le frère, le traducteur ici. C'est en miniature à peu près la même fonction d'un porte-parole. Moi, j'ai dit quelque chose. Lui répète la même chose. Et il lui est demandé d'être fidèle. De ne pas déformer ce qu'il a entendu. C'est-à-dire que ce que vous entendez par sa bouche, c'est ce que le prédicateur a dit d'abord. Et un vrai prophète, il le fait de telle manière à ne pas dire ses propres paroles. Même chose avec un traducteur. Regardez bien ça. Je me tais. Est-ce qu'il parle? Pourquoi il parle bas? Oui. La source a permis. Lise bas. Quand je me tais, je suis. Si on a la bataille, il va pour le bâtir. Je peux me quitter la chair. Oui, comme on était. Vous le verrez aussi quitter la chair. Bon, comment on est pas, oui. Ça veut dire seulement que son fournisseur n'est plus là. Et lui, on avait été discrètes sur la carrière. Lui, il n'est pas venu pour se tenir devant les gens. Il est venu pour traduire un message. Aïe pour la colline. Mais quand il n'y a pas de message à traduire, il est obligé de se taire. Voilà, après celui de l'été, à nous battre. Ça, c'est sûr que le traducteur fait. Que l'interprète fait. Il est semblable à la fonction d'un prophète. C'est comme un réflecteur. Il est un porte-parole. Un porte-parole n'a rien à dire. Il la touche, il alimente, c'est ça. Sauf que mon enfant, c'est le côté. C'est comme ça qu'un prophète est constitué. Bon, monde mosakoli, asaleni. Il est un interprète de Dieu. Asale molimboli yanzambe. Et d'ailleurs, c'est ce que les enfants d'Israël donc ayangombe banayisrael avaient demandé sur la montagne. Basenga kikuna ngomba. Ils n'ont pas voulu eux-mêmes affronter le Seigneur face à face. Bangomoko penda lina kiba kutana nzambe elongina elongi. Non, mais ils ont dit non, on ne l'a pas supporté ça. Asi to konke la moti kote. Oh, mais que plutôt toi Moïse tu ailles là-bas. Ainsi, Exode chapitre 20. Dieu est venu à la rencontre du peuple, il a prêté avec eux. Exode 20, verset 18. À 21. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette. Et il voyait les flammes de la montagne fumante. Voilà, et ce sera qui m'a tenu au saut, kaké, mpe, makale, kale, mpe, koloula, akelelo. À ce spectacle, le peuple tremblait. Na, l'engéona, ibota, et nganaki. Et se tenait dans l'éloignement. Mpe, bazaraki, musika. Il dit, Valéry, à Moïse, à Moïse, parle-nous toi-même. Yo, le bel et bisso. Et nous écouterons. Père Tokoyoka. Mais que Dieu ne nous parle pas. Alors, de peur que nous ne mourions. Et de ce coup fatigué. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Bobangate. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte. Devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et s'est créé une distance infaussée. Entre Dieu et son peuple. Et c'est à la demande du peuple qui ne peut pas supporter d'entendre Dieu directement parler. Et voilà qu'il a besoin de monter cette bourgogne qui a pris autant de mal. C'est insupportable. Et qu'on a pris autant de mal. Alors ils ont dit, à Malolie, toi viens nous parler toi-même. Comme ça, que Dieu ne nous parle pas. Bon, on s'en parle de la vie. Ça c'est un exercice. Asphyxiant, nous allons mourir. On a vu ça pour coup. Toi qui parles, l'écouter. Il s'est dit oui. Que Noé qui nous veut mourir. Et toi qui veux rapporter ça. Il n'y a qu'à autre la vie. Et Moïse a essayé de le consoler. Moi, c'est Amikaï Koumoni Sarango. Mais Dieu a pris acte. Kassinzambe a Zokiango. De la demande que le peuple avait faite. Yambo Singa Olibota Singa. Ici dans Deutéronome chapitre 18. Regardez les retombées de cette demande-là. Les conséquences, la suite de cette demande clairement formulée. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Il dit ceci. À le Bible. À partir du verset 15. Commandant Molongo, Ezominamitano. L'Éternel ton Dieu. Te susciterà un millier de fois d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Écoutez surtout le verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu. Arrête. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voyais plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. C'est-à-dire, Moïse avait rapporté à Dieu les paroles, la demande du peuple, là à la montagne, dans Exode 20. Et lui, le reste, moi, ça me m'a dit, Et Dieu a répondu à Moïse à ce sujet-là. Que toi, ce que le peuple a dit est bien. Oh, le niveau, ça va le dire. Ce n'était pas mal d'avoir un interprète de Dieu devant nous. D'avoir un porte-parole de Dieu devant nous. D'avoir quelqu'un qui représente Dieu devant nous. Un homme de la même nature que nous. Un être humain, notre semblable. Qui nous parlera de la part de Dieu. Cette demande-là était une bonne chose. Dit à Moïse que ce que le peuple a demandé est bien. Et l'église aussi doit dire que cela est bien. Et il faut avoir un vrai prophète. Qui sera un porte-parole de Dieu. Amen. Amen. Il entendra de la bouche de Dieu les paroles du Seigneur et viendra nous les transmettre fidèlement. Le peuple a demandé et Dieu a pris acte. Alors il dit au verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Chaque fois que Dieu susciterait un prophète, il le prendra du milieu du peuple vers lequel il va l'envoyer. Les prophètes sont donc envoyés par les peuples. Et le Seigneur Jésus dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Et pourtant Dieu a déjà établi sa loi. Il ne va pas aller prendre un prophète ailleurs. Il prend un prophète dans ouais. Il peut pouvoir faire confiance à cet homme-là. Croyez à ce que Dieu fait parmi nous. Il dit amen. Amen. Et c'est ça la grande difficulté. La facilité de croire à ceux qui viennent de loin. Quand ils ne sont pas nos frères, nous ne connaissons pas leur historique, leur appartenance familiale, ces histoires. Mais la loi de Dieu, c'est de susciter un prophète d'entre vos frères. Quand il a suscité Saul de Tarse, il a dit, je t'ai choisi du milieu de son peuple. Et du milieu des nations vers lequel je t'envoie. Donc, Paul avait une double nationalité. Il avait la citoyenneté romaine. Pour être compté parmi les gens des nations. Et Dieu utilise cela pour dire, je t'ai choisi des milliers de païens. Et il avait aussi la nationalité juive. C'était un hébreu, né des hébreux. Il était descendant de la tribu de Benjamin. Parmi les 12 tribus d'Israël. Et quand Dieu l'envoie vers l'Égypte, il ne violait en rien, sa loi. Mais comment Paul avait-il la citoyenneté romaine? Parce que sa nation d'origine, les Israélites, était colonisé à cette époque-là par l'Empire romain. Alors, on acquérait cela à prix d'argent. Quand on est juif, on n'est pas de nature romaine. Donc on devait payer beaucoup d'argent pour devenir citoyen romain. Il y avait des avantages liés à la citoyenneté romaine. Dieu l'a laissé faire ça pour l'évangile. C'était pour les intérêts du royaume. Alors là, son appel, il a dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple d'Israël et du milieu de païens vers lesquels je t'envoie. Dieu avait raison sur toute la ligne. Quand il a établi un prophète, il le tire des milliers de vos frères. Et il vous demande de l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. C'est la réponse de Dieu à la demande que le peuple lui-même avait formulée. Et Dieu ajoute que le prophète dira au peuple, Non pas ses propres paroles, mais tout ce que je lui commanderai, c'est que moi Dieu je donnerai comme commandement. Je dois lui parler d'abord, lui donner des ordres, placer mes paroles dans sa bouche. Oh Dieu me dit, si le Seigneur Dieu n'a pas placé les paroles dans la bouche du prophète, les prophètes doit se taire. Essayez-le, vous s'appelez à Kabou. Et n'y a rien dit, on a de l'autre côté. Êtes-vous là? Vous êtes là? C'est ça le principe. Le nom que vous êtes dit à moi. Il dit ceci. Alléluia. Verset 18. Vous je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais parce que le prophète a sa propre bouche. Et qu'il n'est pas la bouche de Dieu. Mais il doit recevoir ce qui vient de la bouche de Dieu. Pour le transmettre fidèlement au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Alors, peut-il arriver qu'un prophète rencontre une blague? Dans un cadre de la vie familiale, de la vie sociale, peut-il faire un peu de l'humour aussi? Mais il a sa propre bouche, non? Mais remarquez sur votre dictionnaire, il dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, que le prophète dira à mon nom. Non pas en son nom propre, mais au nom de l'Éternel du Seigneur Dieu. Quand il vient vous parler, mes chers amis, de la part de Dieu, et au nom du Seigneur Dieu, là ce n'est pas le prophète lui-même qui parle, mais c'est Dieu qui parle par son canal. Mais il est un humain. Il peut avoir aussi des conversations humaines sans engager Dieu. Ça ne dérangera personne. Êtes-vous là? Avance un peu. Verset 20. À 22. Mais le prophète qui aura l'audace, dire à mon nom, non pas de donner son avis, son opinion, et mais de dire au nom du Seigneur une parole que je lui aurais point commandé de dire. Mais lui-même vient, il vous dit, ça c'est Dieu qui a dit, je vous l'ai dit de la part de Dieu, je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Attention. Ou qui parlera au nom de votre Dieu. Ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Amen. Amen. Et ça son sort, la sanction est déjà là. Tu ne peux pas venir tromper le peuple de Dieu au nom de Dieu, ou venir séduire les enfants de Dieu en leur parlant au nom d'autre Dieu que le véritable Dieu. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Un prophète vient et te dit, ça c'est le Seigneur qui a dit. Et le Seigneur m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire que tu donnes 300 dollars. Et toi tu regardes la bouche, tu n'as rien. Si c'est vraiment Dieu qui a dit à cet homme, Dieu va créer cet ange. Mais s'il n'en crée pas, et que le prophète commence à t'embêter, Dieu a dit, ça m'a l'obéi, il doit donner. Non. Tu sauras déjà qu'il a mangé. Voilà, vous tu ne peux pas aller voler pour un prophète. Dieu ne nous envoie pas commettre les péchés. Dieu ne tente personne. Et il ne peut lui-même que tenter par le mal. Donc, ce genre d'aventurier qui vient parler au nom du Seigneur, ne le craignez pas. Amen. Quand Dieu parle dans sa parole, il y a la provision. Dans ce qu'il dit, il y a les solutions. Amen. Je n'ai rien à forcer. Tu n'as rien à forcer. Tu dois éprouver les esprits qui viendront au nom du Seigneur. Éprouve-les d'abord. Oui, il y a. Peut-être que diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dit? C'est comme si vous dites même, en tout réalisme, nous nous avons demandé que Dieu ne nous parle pas directement. Que le prophète aille dans la présence de Dieu. Il écoute Dieu et Dieu nous dit. Là où Dieu parle au prophète, nous ne sommes pas là. Pour être le témoin direct et certifié que ça, c'est vraiment Dieu qui a parlé, nous-mêmes nous étions là, on a vu, on a entendu. Donc là où Dieu vient parler au prophète, nous sommes à ça. Lui, il nous dit, c'est Dieu qui a dit. Bon, maintenant, comment savoir que ce qu'il dit là, c'est pas Dieu qui a dit. Et le Seigneur répond. Au verset 22. Au verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu. Et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'ayez pas peur de lui. Amen. Même quand il vient te parler, Dieu dit, il dit des mensonges. Est-ce que le Dieu de la Bible peut-il dire des mensonges? Des paroles non confirmées? C'est jamais. Nous disons jamais. Voyez ça. Ici dans Ézéchiel au chapitre 14, la parole du Seigneur est aussi claire que ça aussi. Il dit ceci. Au verset 9. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ces prophètes. Mais j'étendrai ma main contre lui. Et je les détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Voilà la parole du Seigneur. En matière de séduction, de venir dire au nom du Seigneur ce que Dieu n'a pas commandé. Des paroles non divinement confirmées. Mais de venir le dire au nom du Seigneur. C'est la part de Dieu. Forcément. Dieu dit, il étendra sa main sur ses prophètes. Et il détruira du milieu de son peuple d'Israël. Ils porteront ici la peine de leur iniquité. Et la peine du prophète sera la même peine que celui qui consulte les prophètes. Et que ça là, N'est-il pauvre que si un aveugle connu les aveugles, tous ne tomberont dans les fosses? Et un conducteur aveugle, et toi tu te laisses conduire par l'aveugle. Votre corps est le même que celui de votre conducteur. Ne vous dérobez pas, il en sera ici. C'est comme vous, c'est un brunet de chrétien. Si le frère David va aller en enfer, vous allez aller au ciel? Qui ne peut pas là. Alors, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Si nous savons que c'est Dieu, soyons conséquents. Qui c'est un bon Dieu avec intégrité. Obéissons à la parole avec fidélité. Soyons parfaits comme Dieu est parfait. Amen. Mais si ce n'est pas l'ordi, alors faisons tout ce que nous voulons. On a sorti un mais faisons la mosse. A commencer par le bâtiment, il fasse tout ce qu'il veut. N'a commandé la mosse à colère, c'est l'ordi de sa ligne. Vous subirez le sort de votre conducteur. Je n'ai pas honte ni peur de vous le dire, je dois vous le dire en face. Mais Zalina sonnité te convangu à Colombana, c'est qu'on l'a mis. Donc il m'a dit, le ministère de Bimana Okede. Au lieu de me dire, ça y est, Bima Kede. Mais tu voyais que Bisikayo Kokota et Zabisikayo Kokota. Parce que pour toi, dans les fonds, nous allons en enfer. Mais si nous avons le même destin, nous suivrons le même chemin. Et voici le chemin, c'est la parole. Tu ne peux pas dévier de la parole. Espérer te sauver à la parole. Donne-nous à la parole. C'est Amen. C'est quoi? Votre sort, votre sentence, votre sanction est la même que celle de votre conducteur. S'il va dans les faux, et que vous le suivez dans les faux, vous finirez tous dans les faux. Mais que Dieu nous garde. Il porteront, verset 11, ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi. Et qu'elle ne s'essuie plus par toutes ses transgressions. Alors il sera mon peuple. Et je serai leur Dieu. Dit le Seigneur l'Éternel. Vous allez vous en zambé, au même temps vous allez combattre les lilas. Même celui qui vous conduit, ne vous dites que la parole. Non, si vous allez que vous pensez, vous qui ne vous allez. Allez les voir. Et il va du salut de votre âme. Et vous allez vous en zambé, êtes-vous là? Amen. Oh, maintenant, on m'a parole, on va le voir. Il doit les savoir. Que Dieu a dit que si tu rejettes la connaissance, moi, Dieu, je te rejetterai de mon sacerdoce. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ne rejetez pas la connaissance de la vérité. Vous devez méditer, lire, écrire, noter. Le prophète vous l'a dit. Et agissons d'après elle. Et c'est ça la que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous aide. Mais comment mon frère, à chaque moment que parce que nous voulons hériter le ciel. Et ton limite, et ça ne sera jamais dans la facilité. Et que ça n'a pas été. Ou dans le compromis. Ou dans la négligence. Vous voyez frère? Alors, terminons la lecture de ce que je lisais ici. Dans les choses qui doivent arriver. On parlait du prophète. Il est comme un réflecteur. Et il est le porte-parole de Dieu. C'est vrai. Que Dieu soit béni. Et ainsi donc, il a dit, l'un d'eux a dit, il vient se concevoir. Probablement qu'il ne pouvait pas le comprendre. Mais Dieu l'avait dit à travers lui. Vous entendez bien? Dieu l'avait dit à travers le prophète. Parce qu'il a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Et puis quand il avait dit cela, c'était 800 ans avant que la chose se réalise. Mais ça Dieu peut s'accomplir. Finalement, ces paroles de Dieu se sont ancrées dans le sein d'une vierge. Et il a conçu et a enfanté Emmanuel. Un enfant nous aimait, un fils nous est donné, et on l'appelera conseiller, Dieu puissant, reste la paix, par l'éternel. Il fallait qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit. À travers la bouche de son prophète. Amen. Non pas à travers la bouche de Dieu, mais à travers la bouche de son prophète. Le prophète a sa bouche, Dieu a sa bouche. Mais Dieu prend ses paroles, il met dans la bouche du prophète. Pour lui faire dire ce que lui Dieu veut. Et si vous n'écoutez pas les paroles de Dieu, Dieu vous demandera des comptes. Il réglera votre affaire lui-même. Quand il vous est dit des choses de la part de Dieu, croyez. C'est vrai. Et toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Toutes les paroles de Dieu. Mais il faut éprouver la personne. Éprouver les esprits. Dimanche, nous nous sommes dit cela en terminant la prédication. Il y a des passages que certains esprits mal intentionnés veulent utiliser pour nous décourager de faire l'épreuve des esprits. Par exemple, qui est-il pour juger le Seigneur? Qu'il tombe ou qu'il se relève par regard de son maître. N'est-ce pas que nous l'avons dit? Dans Romains 14 ici. Romains 14. Le verset 4. Il est dit. Qui est-il? Toi qui juge un serviteur d'autrui. S'il s'était debout, ce qu'a fait l'homme, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout quand le Seigneur a le pouvoir de la fermer. On ne peut pas utiliser ça comme prétexte. Parce que la Bible ne se contredit pas. C'est vous là? Ici le jugement qui est évoqué. C'est les affaires de la vie. Sur le manger le poids. C'est là que Dieu a dit d'abord au verset 1. Appuyez celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas les opinions. Voyez frère? Mais quand il s'agit des identités des esprits, alors que notre bataille, comme on l'a vu dimanche, est contre les esprits méchants. Vous ne pouvez pas nous demander d'accepter, d'accueillir n'importe quel esprit. Les esprits doivent être éprouvés. Nous devons identifier les rejets. Pour savoir qui est pour nous, qui est contre nous. Qui est pour nous, quel rôle? Dieu a ordonné éprouver les esprits. Et ça contredit les bien-aimés du Seigneur éprouveront les esprits. Avant de savoir s'ils sont de Dieu ou non. Amen. Amen. Moi je crois ça. Comme on l'a dit, Le psaume 105 verset 15 qui dit, ne se touchez pas à mes oies et ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais oui, il faut qu'il soit d'abord le vrai prophète de celui qui a donné cet ordre-là. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais le monde de Dieu en parle dans la Bible de vos prophètes. Il peut se faire que ce soit des prophètes, mais qu'ils ne sont pas les prophètes de l'éternel, mais ce sont les prophètes de vous-même. Selon vous et d'après vous. C'est vous qui en avez fait des prophètes. Ou c'est eux-mêmes qui se sont fait prophètes. Dans Apocalypse 2, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Tu as éprouvé ce que se disent apôtres. Et qu'ils ne le sont pas. Et tu les as trouvés mains. Ce sont des gens qui se disent eux-mêmes apôtres. L'écriture est claire. Ce n'est même pas l'église qui a fait de des apôtres. Mais eux-mêmes s'autoproclament et se considèrent, identifient et se présentent à vous comme étant apôtres. Or vous avez la parole pour savoir comment identifier un vrai apôtre. Qu'est-ce qu'il est censé être? Qu'est-ce qu'il est censé faire? La parole est là. Mais un type vient, il dit qu'il est un apôtre. Oh, il s'agit de l'apôtre Cantel. Il vient avec sa veste, avec sa Bible. Bonjour frère, c'est l'apôtre Cantel. Vous êtes intimidé et impressionné. Bon, bang, il s'en va. Quand il dit ça, c'est lui-même qui se dit apôtre. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit qu'il est apôtre. Tu n'as pas écrit, tu n'as pas lu dans la parole que lui là qui est devant toi, il est apôtre. Mais ce sont ses propres discours, ses propres paroles qui te disent qu'il est apôtre. Alors que dit Romains 3 verset 4, que tout homme soit considéré comme un menteur. Et Dieu seul pour vrai. Il a dit qu'il est apôtre. C'est un être humain. C'est un homme d'homme. Il est menteur d'abord. Vous commencez à lui appliquer la parole, n'est-ce pas? Ne commencez par là. N'ayez pas peur. Oh non. Il t'a parlé, c'est un homme, un individu. Il t'a déclaré qu'il est apôtre, c'est sa propre parole. C'est lui qui t'a dit qu'il est apôtre, ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Prenez l'écriture et preuve de la parole. Que tout homme soit considéré comme menteur. Et Dieu seul pour vrai. Si c'était Dieu qui t'a béni lorsqu'il se présente, voilà, celui qui se tient devant toi est mon apôtre, là c'est différent. Sauf que c'est le cantant de bouteille du seul. Tu as entendu, ne sort pas de la bouche de cet homme. Mais ce que tu as entendu sort de l'être surnaturel. Même quand ça te viendrait comme ça, ne prends pas ça comme un absolu. N'adopte pas une position définitive. Choisis plutôt une position transitoire. Même si la voix t'a parlé, il s'est dit clairement que c'est lui qui est là, c'est mon apôtre. Éprouve aussi la voix qui vient de te parler. Car Frère Branham nous dit dans le sermon, c'est lui qui est en vous, que si une voix te parle, si une voix vous parle, observez les écritures. Observez les écritures. Amen. Si ce que dit la voix est contraire à la parole, laissez ça de côté. Même si c'est clairement exprimé, mettez-le de côté. Êtes-vous prêt à le faire? Amen. Comment éprouver? S'il ne va pas juste sortir et puis dire, moi j'ai entendu, il faut qu'il m'a dit qu'il y a un rapport. Ça me suffit. Ça, il était possible. Le diable peut éviter la voix. Quand il veut te détruire, il peut éviter la voix de Dieu. Et venir te parler comme s'il était ton Dieu. Il faut examiner tout. Et c'est ce qu'il y a de connaître. C'est là ce qui est écrit dans 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, nous avons lu le verset 20 à 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ne méprisez pas les prophéties, ça nous savons. Mais, verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Les esprits doivent être éprouvés. Mais toutes choses doivent être examinées. Qui dit amen? C'est l'ordre de Dieu dans sa parole. Ne déviez pas, ne vous dérobez pas, ne cherchez pas à fuir, faites ça. Examinez toutes ces choses. La position chrétienne est là. Ce n'est pas le pessimisme. En réalité, ce n'est pas le scepticisme. En réalité, ce n'est pas l'incrédulité. Mais c'est la position de foi. Il faut examiner tout. Examiner tout. Il s'agit d'examiner tout. Dieu n'a pas dit examiner certaines choses, mais pas d'examiner. Examiner toutes les choses. Amen. Même si on vous taxe de tous les noms acceptés. Attends, vous savez ce que vous faites, c'est ce que Dieu vous a demandé de faire. Examinez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Ne retenez pas ce qui est mal. Mais abstenez-vous de tout espèce de mal. Tout ce que l'examen va vous dévoiler. Faites en sorte que le mal soit écarté. Tout ce qui n'est pas conforme. D'ailleurs, c'est une humanité. Les bandages de moi, quand ils voient me parler, c'est pour Dieu. Moi, quand ils voient me parler, c'est toujours Dieu. Ça vient d'où ça? On est où tu vas? Ne te mets pas en danger comme ça. Quand il voit vous parle, la parole a dit observez les écritures. Si ce que dit la voix est contraire à l'écriture, c'est la parole. Je vais lire dans le sermon, Dieu confirmant sa parole. Le 16 août 1964. Dieu confirme sa parole. Ça nous amène droit à un commentaire sur le passage d'1 Samuel chapitre 5 que nous avons lu ici. Comment le prophète l'explicite? Essaye de l'interpréter, de l'expliquer pour nous. Pour en rendre la compréhension plus fluide, plus claire. Êtes-vous prêt? Je prends le présent 60. À 63. Il dit ceci. Vous savez, il y a une écriture dans la Bible. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Où il est dit, mais examinez toutes choses. Toutes choses. Retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, c'est la saveur, soit juste, soit faux. Donc, d'après ce passage biblique, rien n'est d'emblée vrai. Et là, comme côté, rien n'est d'emblée faux. Et là, comme côté, mais c'est l'examen que vous dites à quoi? Car si l'on l'a dit, vous Non pas vos sentiments. Non pas vos impressions. Mais c'est l'examen qui va vous dire si c'est juste ou faux. Malheureusement, plusieurs ne veulent pas examiner. Ils veulent compter sur un automatisme. Moi, quelque chose de faux, j'ai ça. Où est-ce que la Bible t'a dit que tu dois sentir? Et pour savoir ce qui est juste de ce qui est faux, tu dois sentir. C'est écrit où? Non. Il faut l'examen. Frère, tu dois examiner. Non pas nous apporter des sentiments qui peuvent être erronés. Oui, qui peuvent refléter de faux préjugés oui, ou des arrière-pensées. Méfiez-vous de ça. Dans tous nos cinq sens, le diable peut entrer et nous troubler. Faites l'examen correctement. Êtes-vous là? Mais pas en utilisant une mesure fausse. Comme font les hypocrites. Tu es en bas de tes propres critères et tu commences à juger tout d'après le problème. Hypocrite pharisien. Et la mesure que tu utilises là, et puis, elle sera aussi utilisée contre toi. Et que... Moi, je vous ai dit, utilisez la parole. Ne prenez pas le risque de prendre n'importe quel sentiment, n'importe quelle opinion, comme critère de décision. Ne soyez pas des faiblards comme ça. Rien de la personnalité chrétienne. Tenons-nous à la parole. C'est vrai? Il dit ceci. Et quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Attendez-vous aux deux possibilités. Et c'est l'examen qui vous donne cet équilibre. Mais quand vous ne voulez pas du tout examiner, vous êtes superficiel, vous êtes léger, vous êtes frivole et tout. Vous avez peur de l'école. En non. Et Dieu peut te reprendre et toi, tu seras trouvé menteur. Dieu peut te reprendre. Amen. Et tu seras trouvé toi-même menteur. Quand quelque chose est examiné, c'est là sa mère soit juste. Et quand quelque chose est remis en question, cela devrait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. C'est après avoir examiné correctement. Et trouver ce qui est juste à son sujet. Alors la Bible dit, retenez cela. Ne retenez pas une émission. Ne retenez pas une impression. Ne retenez pas un préjugé. Ne retenez pas un sentiment. Ne retenez pas une opinion. Mais retenez ce qui est bon. Ce qui est bon après examen. Qu'est-ce qui est bon? Et c'est ce que vous devez retenir. En d'autres termes, saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement de sorte que cela ne s'échappe pas. Bon, ma père, ma casse, la tinette, yango, et qu'on a pas qui m'a dit. À supposer que la chose examinée, c'est un ministère. Quand vous examinez et à la fin de votre examen, vous trouvez que c'est un ministère juste. Il est authentique. Il vient de Dieu. Et où tu n'entends? Ok. Retenez maintenant cela. de telle sorte que son ministère ne vous échappe pas. Est-ce que tout le monde entend? Après votre examen, si il est prouvé que son ministère est bon, qu'il est juste, qu'il vient de Dieu, alors accrochez-vous à ça. Retenez-le fermement. Attachez-vous à ça de manière à ce que ça ne vous échappe pas. Après examen. Si madame l'a dit, madame. Est-ce que vous là? Amen. Mais si l'examen vous dit que ce n'est pas du tout juste. Ce qui vous l'a dit, madame, ce n'est pas la parole. Alors, abstenez-vous. Abstenez-vous. C'est la parole qui vous dit ça. Abstenez-vous. N'hésitez pas, abstenez-vous. C'est la parole qui vous donne une telle position. Il défendra même au jour du jugement. En d'autres termes, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement de sorte que cela ne s'échappe point. Même chose avec un don. Tous les dons qui viennent de Dieu doivent être éprouvés. Une fois que l'examen vous a dit que ce don est authentique, qu'il est juste et l'esprit qui l'utilise est de Dieu, alors retenez ça. Retenez ces dons. Gardez-le forcément. De telle manière qu'il ne vous échappe pas. Même s'il veut quitter l'église, quand l'examen vous a déjà dit qu'il est bon, parce qu'il peut se faire que d'autres choses, par leurs fruits, par leurs résultats automatiques et spontanés, puissent dévoiler leur nature. Mais vous reviendrez toujours à la parole pour consulter, examiner. Vous pouvez, ah, vu que c'est allé comme ça, ah, nous sommes fixés. Il n'y a plus de soucis à se faire. Il dit, venez cela fortement, de sorte que cela ne s'échappe pas. Retenez ce qui est bon. Bon, après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-les alors. Aussi vite que possible. Dans le monde, nous sommes. Qui dit amen. Ça ne s'avère pas juste. Aussi vite que possible. Ça c'est divers. Allez, vous que tu as fait un examen correct. Éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Dans tous les domaines, hein? Notre spiritualité, ne vous approchez jamais à ce qui est faux. Ça peut être un point de la parole qui est soumis à l'examen. Est-ce que telle affirmation est-elle juste ou fausse? Il a été dit, vous êtes dans une prédication. Il a été entendu quelque part dans une barre. Vous examinez. Une fois que vous découvrez que la déclaration est vraie, retenez ça forcément. De manière à ce que ça ne vous échappe pas. Si après examen, vous découvrez que cette affirmation est fausse, lâchez-les alors. Aussi vite, nous et avancez avec Dieu. Amen. Amen. C'est la vie chrétienne que nous apprenons et nous devons nous y atteler, frères et sœurs. Bon, mais soyez pas les faiblards. Faites l'examen correctement. Ne vous mettez pas trembloté comme ça. Faites l'examen. C'est vrai. Or, il est possible que des chrétiens fervents Et pour permettre des braves chrétiens s'attachent des fois à ce qui est faux. Pensant que c'est juste. Quand je recuse les opinions individuelles. Pensant. Peut-être qu'il était superficiel. Mais sa connaissance est trop minime. Il tire des conclusions hâtives. Erronées. Et il s'approche à ça. Et pourtant, ça peut être des braves chrétiens. Et ils se mettent dans une condition pitoyable. Par ignorance. Vous savez que la pire des ignorances, c'est l'ignorance de celui qui ne sait pas qu'il ignore. Il ignore, mais il pense qu'il sait. Ça, c'est la pire des ignorants. Et je me demande, comment on peut aider un tel personnage. Donc, il est convaincu de savoir. Et il bavarde comme s'il sait. Il ne sait pas. Et le gobouille, avant de vous expliquer. Même des choses qu'il ignore complètement. Il n'a jamais dirigé un pays. Même pas un quartier. Mais il est le champion juge du chef de l'État. Parce que l'expérience, zéro. Auprès de ceux qui les écoutent. Que Dieu nous aide à ne pas nous laisser emballer dans les D'aborder n'importe quel sujet. Apprenons à être corrects. Contrôlons notre bouche. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parlons des choses que nous maîtrisons bien. Dont nous avons des preuves. Ok. Et lui, il arrive, il est possible. Il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens, s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Êtes-vous là? Mais vous devez savoir ce que vous faites quand vous le faites. Vous examinez quoi? Et c'est notre devoir à nous tous. Et vous allez vous combattre à ce nous sommes. Qui dit Amen? Parmi vous? Non. Ça y est où là? C'est notre devoir à nous tous. Et vous allez vous nous sommes. Le Seigneur a parlé au bien-aimé du Seigneur. Quand il veut sauver, Ce qu'il a prédit dans son plan. Éprouvez les esprits. N'ajoutez pas par tous les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir si sont des dieux. Et c'est notre devoir. À nous tous dans l'église. Vous dites amen. Puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus reviendra. Donc, nous que nous attendons à aller au ciel, nous devons examiner tout ça. Non pas philosopher, examiner. Non pas faire des amalgames, prendre les idées ici, les individus là-bas, l'opinion mentale. Vous devez avoir un seul critère. Un seul moyen du test de l'épreuve, et c'est la parole seule. Non pas mes opinions, les sentiments des pères. D'ailleurs, l'autre jour, il m'a privé de manger. Qu'est-ce que ça vient faire? Et voyons ça, l'ami. Dans une épreuve de la parole. Prenez la chose, exposez-la à la parole, et qu'est-ce que la parole a dit? Et il est du devoir du ministre. Quand une question est soulevée, détruisez cela. Il y a même le prédicateur, le ministre, le pasteur. Quand une question est soulevée, ce sont des voies d'étudier d'abord la question. Et ça, Moussa, il doit étudier la chose. Examine à son niveau. Avec la parole qu'il détient. Il est dit devoir du ministre. Dans la version de Suisse, il est dit, c'est le devoir des pasteurs. Nandimbola Jésus, c'est-à-dire qu'on met Moussala et Motei. Quand une question est soulevée, d'élucider cela. Et puis de prouver cela devant les gens. En Suisse, en la tradition de Suisse, c'est le devoir des pasteurs. Et quand de telles questions sont posées, ce qui est le d'examiner cela pour répondre preuve à l'appui. Ce n'est pas seulement de venir se tenir devant les gens. Au frère, je ne crois pas que ce qu'il dit là est juste. Que tout ce qui me reconnaît comme pasteur puisse rejeter ça. Le banditisme n'a pas sa place dans l'église. Non frère, apportez les preuves que ce qui est dit est faux. Mais on a vu des pasteurs faire des choses. Hein. Au lieu de répondre les preuves à l'appui, il fait attendre d'abord l'église pendant 3 mois. Soit tu l'étudies la chose. Quand on vient bousculer pour rappeler. Vous savez, j'ai encore le fascicule. Le prédicateur avait pris ça. Il est injoignable. Mais la parole dit qu'un évêque doit être capable de réciter les contradicteurs. Capable. Le surveillant de l'église doit être fidèle à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable de réciter les contradictions. C'est qu'on t'attend de dire aux enfants de c'est moi qui vous l'ai dit. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est faux. Et là, il faut pas le coûter, mon aîné. Même si une soeur profite de ça pour faire. Cet homme-là n'a rien refusé. Il doit donner les preuves de la fausseté de ce qui est faux. Sans preuve, nous sommes à la case du départ. À supposer que quelqu'un vient ici, et puis il prêche, il dit, vous êtes en retard. Mon sana sima. La génération qui verra Jésus, ne passera pas sans que Jésus ne soit venu. Il était Jésus Christ avant. Or une génération c'est 40 ans. Quand est-ce que le figuier a bourgeonné? En 1948. Plus 40 ans. Ça fait 1988. D'après Branham. La venue du Seigneur doit être située quelque part là au milieu. Et vous suivez cette philosophie bien aimée. La question. C'est vrai que Frère Branham m'a dit, la génération qui verra Jésus-Christ revenir. Il y a seul l'homme qui verra le figuier bourgeois. Il ne passera pas sans que Jésus ne soit. Montrez-nous maintenant dans la parole. Où est-ce que Frère Branham m'a dit que la venue du Seigneur doit être située quelque part entre 1948 et 1988. Donnez-nous la preuve. L'homme commence à vous dire, mais moi j'ai mon presse pour vous la parole. N'ajoutez pas à la parole. Nous sommes d'accord avec la citation que vous avez brandie. La génération qui verra le figuier bourgeonner, Israël redevenir une nation, cette génération ne passera pas afin que Jésus ne soit venu. Mais nous ne serons pas d'accord avec ton explication. Il faut aussi ajouter des conclusions à ce que le message a dit. Oh, mes amis, qu'est-ce que quand tu commences à dire, c'est que donc la venue du Seigneur doit se situer entre 1948 et 1988. Ça, c'est ta propre parole. Voilà, ce n'est pas le message. Ce qu'on dit que le bête est ligné, que le bête est boué, il y a encore les secrets de Wana, dans mon bout, il y a tout coup, nous n'en avons pas. Il y a tout coup, voilà, ils allaient que le bête. N'est-ce pas là? Et vous avancez maintenant avec l'examen. Voilà, c'est le combat. Vous prenez les études. Pour ceux qui est du jour et de l'heure. Na oye tali moukola. Personne ne le fait. Mon tour est dans les sens judiciaires. Attaque au banche de l'eau là. Le cellulaire qui vient vous présenter des choses comme quoi il connaît. Il est sur le secret de Yébi. Alors il faut vous voyez que c'est sur base de preuves. Hein? Mais le pasteur ne va pas seulement se réveiller. Oh mes frères, vous avez dit beaucoup d'amènes. Je suis choqué vraiment. Je suis domaqué. Je suis ahuri. Vous avez dit des amènes. Ça m'a blessé. Je ne pouvais pas m'attendre à ça. Vous êtes le chef d'église. Vous avez créé dans l'église. C'est le travail d'un prédicateur. Et d'aller bon côté émotion les monter. D'aller les émotions comme ça. Et après tel il s'appenda le monter il est blessé chagriné. Il n'y penda aucun sami. Apporter les démentis preuve à l'appui. Maintenant épargnez-vous de vos émotions là-bas de votre là. Pour tel c'est plus appenda le monter il tout ça. Comment l'estomac est blessé? Comment le cœur commence à battre vite? Il faut tenir monter comme être mangba. Mais c'est pas ça qui va nous amener au ciel. Il y a monter monter comme le ciel. Et les salades d'émotion. Quand ça nous appelle, on a découragé vraiment. N'importe quoi dans la pastèle ici. C'est long à la tête. C'est quoi ça? Bonne nuit. Il doit être fidèle à la vraie parole. Et c'est là dans le sème. Et c'est enseigné. Afin d'être capable de réfuter les contradictions. Au lieu d'exposer la parole, on exposer. Il y a un problème. Présenter la parole. Donc on commence à nous amener dans les histoires. Arrêtez, c'est là là là. Faites ce que la parole vous dit de faire. Tu dis amen. Au lieu d'examiner, nous on examine pas. Si tu es on commence à pleurnicher, c'est c'est faux. C'est comme ça que l'église est amenée à la ruine. Et certains commencent à quitter l'église. L'église à voir la boisson. comme le pasteur fait n'importe quoi. Chacun fait tout ce qu'il veut. Revenons à la parole. Tenons-nous à la parole. Jugeons par la parole. Que la parole s'exprime et tranche. Est-ce que vous dites amen? Donc, il a du devoir de pasteur. Quand une telle question est soulevée, c'est lui de cela, et puis de prouver cela devant les gens. Afin qu'il puisse comprendre, car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Nous avons donc une écriture. Et Jésus a dit, toutes les écritures doivent s'accomplir. Vous voyez? Et qui dit que nous devons examiner toutes choses. Et ensuite, retenez fortement, ou retenez fermement, agrippez-vous à la chose, et ne lâchez pas cela. Retenez fermement ce qui est bon. Nasima, kokangama, kosima, kopate la pendama kasi, na yango, na oyeria solo. Je me souviens avoir appris quelque chose à l'école. Et beaucoup d'entre vous ont appris la même chose, la même leçon. Après que vous ayez résolu un problème, que vous y avez trouvé la réponse, vous pouvez prendre la réponse et l'approuver par le problème. Vous savez que même à l'école, c'est un exercice que beaucoup n'aiment pas. Tu as calculé, tu as trouvé une réponse. Donne maintenant la preuve de la réponse que tu as. Pour prouver que la réponse est juste. Le calcul de la preuve. Calcul hein? Vous vous souvenez de ce schéma ici? Vous allez comprendre ce schéma où? Hein? Vous êtes là? Il y en a même parmi nous qui n'avons jamais aimé ça. Et ça n'a pas besoin de mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Quand on va faire, ah, Dieu. Ah, enseignant, après, c'est qu'on va faire un professeur. Ce qui est dans mon fond, mais il va faire un professeur. Il ne veut pas de complications. Il faut donner la preuve. Quand vous dites qu'une chose est vraie, donnez la preuve qu'elle est vraie. Sauf que le ministère est vrai. Quand vous dites qu'un ministère est vrai, donnez la preuve que le ministère est vrai. Et les preuves doivent venir de la parole. Et quand vous dites qu'un ministère est faux, donnez les preuves qu'il est faux. Ça doit venir de la parole et non pas des opinions des individus. Comment je trouve que que la parole tranche. Et vous là? Amen. C'est là. La leçon des preuves. Oh, beaucoup d'entre vous ont appris la même leçon ici. Après que vous avez résolu un problème, vous y avez trouvé la réponse, vous pouvez prendre la réponse et l'approuver par les problèmes. Maintenant, je vous demande, combien ont déjà fait cela? Maintenant, voilà la question. Bien aussi à vous. Qui ont déjà fait ça? La règle de 9. J'ai pas aussi les mots. J'ai dit que quelques-uns parmi nous n'ont pas aimé ça. Talaka kana message, parce que la plupart ont été dit. Talaka kana message, je vous dis, ah, oui, à qui m'en aille. Ah, vous n'avez pas moi là. Oh, c'est ça. Combien ont déjà fait ça? C'est pas tous les doigts. Merci beaucoup. C'est juste ma soeur. Il y a des matières. Ah, ça donne des mots de tête. Et voilà pourquoi justement la vérité sur le ministère est impopulaire. Quand nous parlons de la parole au ministère, même dans les églises, c'est une matière étrange. Le ministre doit être appelé. Vous voulez dire quoi? Beaucoup ne veulent pas de ces preuves. Et puis, monsieur Bandimi, à qui est-ce que nous avons parlé de l'ensemble? Vous savez que nous sommes votés. Nous serons sans salaire, papa. Adam, c'est l'ensemble. Oh! Bon, Vous avez compris que vous avez des sentiments. Des impressions. Quand vous avez fait l'examen de la parole. Vous vous dites comme ça, ma belle. Et vous avez dit, vous avez un attaque. Non, frère, vous avez utilisé, vous êtes utilisé. Utilisé par qui? Tout ça, non, frère. La Bible dit, bien aimé, éprouvez les esprits. Tout dans ton ministère qui vient de Dieu doit être éprouvé du problème. Même si tu ne dis pas même c'est la vérité. Parce qu'on a accordé. J'ai répété ici, frère, tout dans ton ministère, je viens de Dieu, doit être éprouvé. Oui, alors ma mère était à Zana Korna, Wanagé. Mais il y a qui m'a rêvé, ma preuve va naître. A Kokima. Béga Babaniga va renouer, Yakimile, ou Assemblée générale. Il m'a fui. Pas d'année, vous l'avez. Oh mon Dieu. Si tu veux aller au ciel, c'est la parole de demande. Heureux ceux qui gardent le commandement du Seigneur. Pour avoir le droit d'entrer dans la ville éternelle par les prophètes. Gardez les commandements de la parole. Quand le Seigneur commande, prouvez les esprits, faites-le. Quand vous allez faire des études de bonne commande, examinez toutes choses, alors tout doit être examiné. Voilà. Vous tous, bien entendu, là où Branham et Bernard, tout le monde avait levé les doigts. Tout le monde avait levé les doigts. Et alors, vous n'avez donc pas à vous faire des soucis pour savoir si votre réponse est correcte ou pas. La solution au problème a été prouvée par le problème. Par conséquent, vous savez que vous avez la bonne réponse. Le ministère est un ministère de la parole. Si nous voulons savoir s'il est vrai, s'il est authentique ou pas, c'est la parole qui va prouver s'il y a vrai ministère ou non. Pas moi, ni toi. Et vous voyez ? Par conséquent, vous savez que vous avez la bonne réponse. Si chacune de vos réponses qui figure sur votre ardoise ou sur votre feuille a été prouvée, les problèmes prouvés par la réponse prouvée par le problème, alors vous l'avez trouvé. Personne ne peut dire que c'est faux. Vous devez prendre ici, vous faites votre travail. Soigneusement, correctement. Tel qu'il devrait être fait. Et que la réponse que vous avez trouvée a été prouvée. Vous pouvez vous asseoir et vous reposer avec assurance que vous recevez une note excellente. Il s'en fait du papier que vous avez remis. Car cela a été prouvé. On a montré les mécamaki. Prouvé par les problèmes. Et mécamaki, nous venons les cam. Êtes-vous là? Amen. Donc, nous n'avons pas nous questionner. Est-ce que nous avons tout fait? Nous irons en enfer au ciel. Quand une question est soulevée, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de prenez la parole. Que vous dit la parole au sujet du tabernacle chrétien? La manière dont elle est née, la manière dont elle fonctionne, la manière dont elle est conduite, la manière de campagne. Est-ce que c'est la parole de vous alors? Examinez tout. Mais il ne faut pas dire, moi je pense seulement que nous irons au ciel. Mais vous ne pouvez pas dire, moi je pense seulement que nous irons au ciel. Est-ce que la parole a dit la preuve qu'on est serviteur de Dieu, c'est comme c'est pour moi? Il ne faut pas dire, le lien comme c'est comme ça, le lien comme c'est comme ça, le lien. Non, c'est... Il faut prendre les arguments de la parole. Et c'est que je n'ai malheureusement pas. Il y a les lobes. Cette église d'appel était commencée par Dieu. Et que les yeux. La parole dit que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée au. L'île de comme nous sommes et qu'on ma paix. Les églises naissent de fois par la volonté des individus. Par leurs ambitions personnelles. Mais dans les écritures, C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il y a un salaire et un salaire saint. À travers les hommes que lui, Dieu, a choisi et confirmé. Et il a lui-même établi ça, monsieur. Il a lui-même établi ça, monsieur. Et de voilà. Mais un individu que Dieu ne connaît pas. Parce que nous sommes il n'a ni appelé ni mandaté. Le courage du tam tam, il a réuni les gens. Un peu de balbutiement de prophétie, et voilà toutes les femmes derrière. Parce qu'ils aiment beaucoup prophétiser. Et puis on donne ça les noms de l'église de Dieu. Et Dieu aussi va reconnaître ça. Jamais. Dieu ne soutient que sa parole. Vous n'allez pas lui amener de bons fruits comme Gaïen. Ce sont des fruits mûrs. J'ai choisi les meilleurs fruits. Les plus beaux. Donc, Seigneur, prends. Vous connaissez le sort de Gaïen? L'Éternel ne jeta point un regard favorable sur l'offrande de Gaïen. Yahweh a sepele katate. Na. Il ne considère ni la beauté, hasta la casa, ni le nombre, hasta co, il regarde sa révélation. Est-ce que vous avez conforme à ce que je vous ai révélé? Oh, il ne va pas lire. Et cocaïne à Olna, t'as dit si. Oh, ce n'est pas conforme à ce régime. Sauf que cocaïne, c'est moi qui t'aime. Les dénichés, allez tuer un Dieu ne changera pas ta décision. Quand c'est rejeté, c'est rejeté. Quand il fallait trouver un remplaçant au roi Saül, vous savez que le choix lui a été opéré. Sur la personne qu'il fallait. Pourtant, vous pouvez regarder les regards. Abner, Eliab. Eliab, Abner. Tous les fils de même papa. Vous voyez? Mais les choix de Dieu, c'était leur petit David. Quand on vient présenter celui qui était brigand, gaillard et tout, l'Éternel l'a rejeté. Yahweh a bois qui s'est dit. Avez-vous déjà vu Dieu récupérer l'un d'eux? Si je n'ai pas que ça va. Quand la parole le dit, c'est fini. Ce qui nous révèle bien, c'est fini. Une chose qui est rejetée est rejetée. Amen. Et vous devez vous adapter à la volonté de Dieu. Ne cherchez pas à tirer par des cordes de Dieu vers vous pour venir approuver vos compromissions. Vos bons fruits. Parce que c'est impressionnant. Dieu n'est pas là. Il ne soutiendra que sa parole. Ton ministère authentique doit être un ministère de la parole. Pour en juger, il faut l'épreuve de la parole. C'est la parole qui doit nous dire si le ministère est juste ou non. Il ne répond aux critères ou pas. Ce que c'est lui qu'on y a nous la pendant. Le bien aimé frère m'a surpris. Hier, il est allé trouver sur mon blog du pasteur David.blogspot.com. Pasteur David.blogspot. Il a fait une capture d'écran là. Il dit, en 2008, il y avait une prédication que lui a retrouvée dans ses recherches. J'étais surpris, dit, ah, c'est moi qui. La prédication était intitulée depuis 2008 les critères d'identification d'un vrai ministère de la parole. Vous voyez ça? Critères d'identification d'un vrai ministère de la parole. Donc ça a déjà été prêché. Et puis le frère a dit qui va dans le même sens que ce que nous sommes en train d'écouter. Je lui ai dit bravo, précieux frère. C'est toujours le même évangile, l'ancien évangile. Et nous n'allons pas en dévier. La parole reste la parole, même si vous la négligez, elle demeurera à sa place. Donc ces critères ont déjà été enseignés en 2008. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Combien d'années? 14 ans. Et combien s'en souviennent? Les critères. Le lengue. Je peux voir les doigts? Critères. Vous pouvez citer ces critères? Ça y est. 14 ans après. Mais vous, hommes et mine et les aujourd'hui, ça ne va pas changer. C'est la même parole. Il est bon, on a des amis, le moment comme on est dame. C'est la même parole. Il est bon comme on est. L'un de vous a fouillé, il a dit bon. Qu'on a dit non. Moi, je lui ai pas demandé de faire ça. Lui-même, après, il a dit que le résultat. Attends, ça qui vient. Avec la date. Capture d'écran du site internet avec la date. Azu Penda na Mikorana Maki. Avec l'endroit où on peut copier les sermons. Donc là vous mettez, clique hein, le bouton droit de la souris et puis enregistrer sous et vous téléchargez. Personne ne peut réciter ça. Mon compte à Kouikou. Devoir à domicile là. Vous allez méditer un peu sur ça. C'est tous ceux qui étaient au tabernacle en 2008. Savez-vous que notre frère Kennedy venait d'ailleurs de survoler en cause? Après pour dire le frère a été fidèle, il a répété. Et pourtant en 2008, lui n'était pas encore avec nous ici. Beaucoup de choses, c'est à part les cultes auxquels il assistait, mais c'est des questions directes qui sont posées, on essaie d'encadrer. Ah mon Dieu. Et Dieu nous aide là, non? Que Dieu nous aide. Essayons de changer. Devenons meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons y revenir prochainement du volant. Pour voir les éléments que la parole elle-même donne. De façon que votre jugement ne soit jamais tendancieux. Philosophique. Le jugement de la parole. Lève-nous maintenant pour la prière. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Les nuits, si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Ah, à la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. C'est cette cité où il n'y a point de nuit. On s'en va, j'aime pour parler là-haut. Et les verres étoffés, je m'en irai au lagneau et la lumière. En cette cité, où l'agneau est la lumière. En cette cité, où il n'y a pas de lumière. S'en va, j'aime pour parler là-haut. Et les verres étoffés, je m'en irai. Oh, la gloire et la lumière. Dans les fleurs, c'est pas toujours le jour. Sera un jour éternel, c'est point de nuit. Oh, dans la main. Pour ta parole de vérité, elle demeure éternellement. C'est toi qui nous apprends comment éprouver. Et l'unique moyen qui nous a été donné est l'épreuve de la parole. Il faut que la parole elle-même réponde à chaque question que nous pouvons nous poser au sujet d'une chose ou d'un esprit. La parole va identifier à travers un examen correct. Un examen sérieux que tu demandes à tes enfants de faire. Partout nous avons été négligents, nous te prions de nous pardonner et fais-nous à mieux faire qu'avant. Au nom de Jésus Christ, nous t'appelons au secours pour que tu nous aides chacun, que tu nous aides tous à être toujours fidèles dans la manière de faire. Père Céleste, tes enfants sont devant toi. Tu es la meilleure source pour chacun. Ton trône, nous l'avons dit, est un trône de providence. C'est Dieu qui pourvoit à tout. C'est Dieu qui connaît tout. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais tu peux nous apprendre, même à travers un exercice, que nous recevions plus de connaissances qu'avant et que l'expérience s'ajoute à l'expérience. Éloigne-nous toute espèce de mal. Nous ne voulons pas être trouvés attachés au faux, à des fausses choses, à des fausses croyances, à des faux esprits. Nous comptons sur toi, cher. Que tu peux nous conduire. Que tu peux nous épargner. Que personne ne nous ravisse de ta main. Nous avons confiance. C'est toi qui nous as appelés. Tu es fidèle. Et tu nous feras parvenir au bon port. dans le nom de Jésus-Christ, exauce chacun de nous et garde-nous quand nous allons nous séparer jusqu'à nous revoir encore. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et là, nous arrivons à la dernière étape de ce culte par la grâce de Dieu. Il ne reste plus qu'à chanter et donner nos contributions pour les programmes de la construction du tabernacle des chrétiens. Shalom, Église.